le temps de répondre. Quelles sont les influences de nos vies antérieures sur notre vie actuelle? Dans le papier ici, il y a plusieurs choses qui sont marquées, dont une qui me semble très intéressante, c'est la possibilité de réincarner des mémoires du futur. Avant d'aller jusque-là, ça c'est vers le milieu, est-ce que nos vies antérieures influencent notre vie actuelle? Ben, premièrement, il faut comprendre que tout ce qui constitue l'humain actuellement provient du passé, donc de ses vies antérieures. Donc, c'est exactement comme si on posait la question, est-ce que la génétique de nos parents et de nos ancêtres influence le corps physique que nous avons aujourd'hui? En grande partie, oui. Il est évident qu'une partie de l'influence du corps physique est amenée par le milieu, donc parce que nous allons manger, par les accidents que nous allons avoir, etc. Sauf que la façon dont nous allons digérer, la façon dont nous allons être sensibles à différentes maladies, la façon dont nous allons être sensibles à la fatigue, à l'effort, la façon dont nous allons être en forme, dépend en gros de notre génétique. Ce qui fait que du point de vue amique, du point de vue psychologique, c'est la même chose. L'être humain est une alliance entre deux mécaniques qui proviennent du passé, c'est-à-dire une partie qui provient du plan moronciel, qui est l'éthérification de la conscience de nos ancêtres, c'est-à-dire la partie qui, à un moment donné, à l'intérieur du corps, des corps physiques de nos ancêtres, est parvenue à une conscience. Cette partie-là s'est immortalisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas gagné le monde de la mort, elle est restée figée dans le plan moronciel, dans le plan éthérique, le plan où il y a la vie sans le corps physique, un peu avant le monde de la mort. Et le reste, donc la deuxième partie qui s'est alliée pour nous constituer, provient, elle, du monde de la mort. C'est la partie, non pas de conscience réelle qui s'est immortalisée, mais la partie de conscience émotive qui, elle, s'est astralisée, c'est-à-dire c'est l'accumulation mémorielle émotive de l'expérience de nos ancêtres. Et quand je dis de nos ancêtres, dans la majorité des cas, nos ancêtres, c'est nous. Donc, nous, moi, j'ai déjà vécu dans quelques milliers de corps en même temps, dans un pays, et j'étais réparti dans quelques milliers d'individus, et ces individus ont eu des enfants, ces enfants, ils furent moi. À un moment donné, d'autres parties de moi qui ont vécu sur d'autres continents, qui ont vécu dans d'autres temps, des milliers encore d'individus, sinon des dizaines, sinon des centaines de milliers à travers l'histoire, finissent aujourd'hui par se retrouver en majorité condensés ou concentrés chez moi. Donc, quand on parle de l'influence des vies antérieures sur notre vie actuelle, c'est des vies antérieures de l'esprit ou de l'ego? C'est ça. Les deux? C'est ça. Maintenant, l'esprit n'a pas vécu antérieurement. L'esprit, c'est quelque chose qui est instantané, donc qui est en dehors du temps, qui n'est pas assujetti à la mécanique du temps, donc qui, pour l'humain, n'existe pas ou ne vit pas. C'est là, mais ça n'existe pas dans le sens où nous le concevons, c'est-à-dire qu'effectivement, ça n'a eu aucun début. Ça n'aura pas de fin parce que finalement, ça n'a pas d'existence propre. Ça ne vit pas dans le temps, donc ça n'a pas le temps d'exister. C'est quelque chose auquel on pourrait revenir à un moment donné, mais ça échappe normalement à la conscience cérébrale qui, elle, est paramétrée par une conscientisation dans le temps, c'est-à-dire par l'expérimentation ou l'expérientiation. Alors, il y a dans l'être humain des parties qui sont constituées par l'accumulation éthérique, donc immortalisée, de la conscience de l'instantané. Et une grande partie, dans la majorité des cas, chez l'animal humain de cette planète, la majorité de ce qui le constitue est à 99% tributaire du monde de la mort, donc réincarnationnellement, provient d'une conscience émotive, d'une conscience spiritualisée qui a été léguée par les ancêtres lorsque leur corps physique a été digéré par la planète. Lorsqu'un être humain est un peu plus concentré, lorsque l'être humain est plus dense, lorsque l'être humain a la faculté d'avoir une conscience plus proche de l'instantanéité, c'est que l'être humain est le supporteur d'une réincarnation double, une réincarnation pluralitaire, qui, de toute façon, vivra une fusionnalité, c'est-à-dire qu'il y aura une fusion des personnalités réincarnationnelles du point de vue des mémoires réincarnationnelles émotives, mais les individus qui ont accès à plus de conscience, ce sont des individus qui réincarnent en même temps des parties de double éthérique qui n'ont pas été suffisamment grandioses pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un double éthérique, mais qui étaient des particules de matière qui, réunies à l'intérieur d'une conscience corporelle, peuvent faciliter la création d'un double éthérique plus convenable. Et un double éthérique, c'est nécessairement la garantie d'immortalité d'un être humain. Quand je parle de garantie d'immortalité, je parle de garantie d'immortalité du point de vue de la conscience. Je ne parle pas de garantie d'immortalité du point de vue du corps physique, bien que un peu plus tard, lorsque la conscience est suffisamment éthérifiée, lorsque le double éthérique est suffisamment en relation avec la conscience mentale d'un être humain dans un corps physique, il y a ce que l'on appelle une fusion éthérico-corporelle, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement entre le double éthérique et le corps physique, et cela va engendrer un corps de lumière, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, le corps physique devient immortel. Maintenant, l'être humain, avant de... Quel que soit le cheminement évolutif d'un être humain, il devrait, au préalable, toujours diriger son cheminement évolutif vers l'immortalité. Étant donné que l'être humain n'a pas un corps physique suffisamment viable pour lui permettre d'acquérir une conscience réelle, une conscience intelligente, une conscience supramentale, à travers 50, 60 ou 80 années de vie, parce que le corps physique ne dure à peu près pas plus longtemps que ça, l'être humain doit nécessairement s'arranger, à un moment donné, de son évolution de conscience pour structurer, s'il ne peut pas structurer un corps de chair suffisamment viable, je parle de plusieurs centaines d'années, il doit s'arranger pour structurer un corps de vie, donc un corps vital, un corps éthérique, qui, lui, sera capable de maintenir, pendant les transpositions d'un corps à l'autre, donc les incarnations ou les réincarnations, de maintenir la conscience de l'être humain dans une phase de lucidité suffisamment grande pour que l'être humain, lorsqu'il se réincarne, se rappelle ce qu'il a été, pour finalement qu'il puisse poursuivre le travail qu'il a commencé et non pas recommencer à travers un pilonnage des réincarnations émotives du monde de la mort avec une légère continuité. Est-ce que c'est ce qu'on a fait sans le vouloir partiellement? Parce que si on est influencé par nos vies antérieures, c'est donc des parties qu'on a ramenées de chacune des vies. On n'en a pas conscience, mais on ne les a pas ramenées. OK. Mais ils nous ont suivis? Oui. Ils se sont ramenés. Ils nous ont rattrapés, plutôt. OK. Mais l'influence de cette vie-là, de cette vie antérieure-là, si j'ai été, par exemple, un alcoolique dans une vie antérieure... Tu n'as pas été un alcoolique dans tes vies antérieures. Parce que je n'ai jamais vécu avant. Non. Oui, mais surtout parce que tu n'es pas un alcoolique aujourd'hui. Donc, il peut y avoir une influence? C'est-à-dire que les parties de toi qui ont été alcooliques ne t'appartiennent plus. Ils se sont réincarnés dans un corps physique apte à vivre de l'alcoolisme. À un moment donné, peut-être, tu pourrais te faire posséder, te faire pilonner par des mémoires réincarnationnelles, parce que ça se réincarne 24 heures sur 24, par des mémoires réincarnationnelles qui pourraient transformer lentement ton corps physique et ta psychologie pour en faire un corps et une psychologie d'alcoolique. Mais le fait que je l'ai été ou pas, ça n'a pas Tu ne l'as pas été. Si j'ai été d'autres choses... Oui, tu as été d'autres choses. Si j'ai été une sœur grise avant, est-ce que je peux... Tu n'as jamais été une sœur grise non plus. J'ai été une sœur grise. Qu'est-ce que j'ai pu faire de bien ou de mal dans le passé qui pourrait me suivre? Bon, tu veux savoir qu'est-ce que tu as été? Non, ça je le sais. Oui? Qu'est-ce que j'aurais pu être si j'avais été un plombier? Est-ce que je pourrais aujourd'hui être encore un plombier? Est-ce que mes vies antérieures pouvaient m'influencer? J'aurais beaucoup de tuyaux. Puis si tu arrêtes un électricien, tu seras au courant. Ça non. Veut dire que ça me suit ou ça me suit pas? Ça ne te suit. Ce que j'ai fait dans les vies antérieures, ça m'affecte ou pas? Ce qui nous constitue des vies qui proviennent des vies antérieures nous affecte. Tout ce qui ne nous constitue pas, qui provient des vies antérieures, ne nous appartient plus. Exactement comme si on dit le bouton cancéreux que vous avez sur la face vous nuit. Le bouton cancéreux que le chirurgien a ôté et jeté aux poubelles vous nuit plus. Donc oui, mais j'ai quand même un bouton cancéreux qui est dans les poubelles. Tu n'as plus de bouton cancéreux, si on veut parler plus justement. Mm-hmm. Alors ça sert à rien de dire, oui, mais j'ai quand même 63 dents si je calcule tous ceux qui sont tombés. Les karmas, si j'ai tué quelqu'un dans une vie antérieure, ça me suit-tu, ça? Tu n'as pas tué personne dans tes vies antérieures. C'est-à-dire que tu n'as pas tué personne, non. Toi, quand tu tuais, tu ne tuais pas. Ouais. Si quelqu'un d'autre que moi avait tué quelqu'un dans ses vies antérieures. Oui, si quelqu'un d'autre a tué dans ses vies antérieures et qu'aujourd'hui ses vies antérieures le constituent, il peut être amené encore une fois à tuer. Mais quelqu'un qui ne tue pas n'a jamais tué. Pourquoi? Parce que les réincarnations qui étaient assujetties, qui étaient alliées à ce qu'il a vécu lui dans ses vies antérieures, sont présentement incarnées dans d'autres corps. Donc, ce n'est plus lui. Ce que l'on doit bien comprendre, c'est que, au niveau de la mécanique réincarnationnelle, habituellement, la majorité des enseignements sont des enseignements qui manquent énormément d'informations, par lesquelles on ne retrouve pas tout. Est-ce qu'il y a des karmas qu'on transporte? On ne fait que ça. Sauf qu'il y a des karmas blancs, il y a des karmas noirs, et il y a évidemment des karmas gris. Bon. Encore qu'il réplique encore avec ses soeurs grises. Non, non, non. Jamais. L'homme est bâti à partir d'une substance. Cette substance, elle provient de plusieurs régions de la planète. Premièrement, une substance qui est biologique, qui a été altérée, qui a été malléabilisée, qui a été formée, transformée par l'expérience des ancêtres. C'est le corps physique que nous avons aujourd'hui et qui est rattaché à la génétique qu'on a bien voulu nous transmettre. Il y a le corps vital qui, lui, provient de la région planétaire où le corps physique va être constitué. C'est ce qui va nous donner de l'énergie, c'est ce qui va nous rendre fatigués, c'est ce qui va nous permettre une meilleure évolution, c'est ce qui va nous permettre d'être malade ou de supporter la maladie, ou etc. Il y a, dans le monde astral, il y a une substance qui est une substance qui provient du monde de la mort, qui est l'âme. C'est l'âme, c'est ce que j'appelle aussi l'anti-homme ou l'anti-femme. C'est l'anti-évolution, c'est-à-dire que l'anti-homme, c'est tous nos ancêtres émotivement réincarnés chez nous, qui, eux, ne veulent que conserver la tradition. Donc, ce sont tous des carcans, ce sont des cristalliseurs d'évolution. Ils empêchent totalement l'humain d'évoluer. On les appelle parties lunaires, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent la lumière, mais ils ne peuvent pas en rayonner. Ce sont des parties qui nous cristallisent tellement qu'à un moment donné, elles nous tuent. Et pour nous, c'est un karma. Bien, de toute façon, tout est réaction ici. C'est un karma. Alors, il y a cette substance qui, dans la majorité des humains de la planète, constitue 99,999% de leur conscience. Maintenant, il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'à travers l'évolution historique de l'humanité, il y a des êtres humains qui sont parvenus à une conscience lucide, à une conscience non traditionnaliste, à une conscience neuve. Et cette conscience neuve était une conscience qui acceptait le neuf. Le neuf n'est pas le neuf d'aujourd'hui, parce que pour nous, nous connaissons historiquement leur neuf, donc pour nous, c'est du vieux. Mais pour eux, c'était quelque chose de neuf. Juste le fait, à un moment donné, d'envisager que la Terre n'est peut-être pas le centre de l'univers, cela fait prendre conscience à une astralité de quelque chose de neuf, en l'occurrence que les livres sacrés ne comptent pas tout ou mentent. Ces parties de la conscience qui se développent à travers l'animal humain deviennent de la conscience éthérique, c'est-à-dire que ça devient de la mémoire capable d'absorber le neuf, et la mémoire capable d'absorber le neuf ne va pas dans le monde de la mort lorsqu'il y a des intégrations du corps physique. Ces parties sont immortelles. La conscience lucide de l'humanité du passé, donc immortalisée dans le plan éthérique. La conscience émotive et astrale, elle, n'est pas immortalisée, elle est changeante et elle est bougeante, et elle s'accumule, elle se fusionne par digestion dans le monde de la mort. C'est ce qui constitue 80 à 99, sinon à 100% des réincarnations de l'animal humain de l'actuelle époque de l'humanité. Mais à travers les exceptions humaines, et on en rencontre surtout dans la partie nord planétaire, surtout dans la partie américaine et surtout dans la partie du Québec ésotérique. Et présentement, ce qui nous intéresse, c'est le Québec politique ici. Il y en a énormément d'exceptions biologiques qui ont la capacité de supporter du neuf, c'est-à-dire qui ont la capacité de réincarner, en plus de l'âme, une grande partie d'immortelle conscience du monde éthérique. Donc, ils ont un double éthérique à leur naissance, c'est-à-dire qu'ils ont un doigt, un ongle, un orteil, un œil, une oreille, si on veut faire un parallélisme, d'un corps éthérique, donc d'un double éthérique. Ils n'ont pas suffisamment de matière éthérique pour garantir l'immortalisation de leur propre conscience, mais ils ont suffisamment de particularités immortelles au niveau de la conscience lucide pour avoir la capacité d'atteindre, de pencher vers la conscience supramentale, c'est-à-dire que la majorité d'entre les Québécois est... Je parle du Québec ésotérique, c'est-à-dire le bouclier canadien et une grande partie quand même de la partie nord-planétaire, ont la capacité d'absorber des choses neuves. Donc, ils ont la capacité de débloquer leur ajusteur de pensée, de le rendre opérationnel, de diriger l'ajusteur de pensée à travers le monde de la mort pour aller le connecter à l'extérieur du monde de la mort à une information supplémentaire totalement neuve qui n'est pas rayonnée par le monde de la mort, qui n'est pas rayonnée par la planète Terre, alors automatiquement, ils ont biologiquement, dans leur conscience aussi, accès à une information neuve qui est l'intelligence supplémentale, et de ce fait, ils peuvent se connecter à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter à quelque chose que, dans la conscience spirituelle, on appelle Dieu, dans la conscience spirituelle, on appelle le Père ou la Mère, dans la conscience spirituelle, on appelle ça des sphères, on appelle ça des grands guides, des grands maîtres, on appelle ça des frères aînés. ils peuvent se connecter à eux parce que dans le langage du mental, dans le langage de l'intelligence, l'être humain est lui-même le Dieu qu'ils recherchent. Se connectant à eux, donc se connectant à leur intelligence, à leur esprit, à l'intelligence supramentale, ils vont parfaire leur anégoïsation, ce qui va engendrer la création plus complète d'un dométhérique. Donc, ils vont pousser l'immortalisation de tout ce qui, chez eux, est lucide. Parce que la lucidité ne vit pas l'involution, et elle ne vit pas l'involution parce qu'elle est éthérifiée, et elle est éthérifiée, donc elle est immortalisée. Cela veut dire que la majorité des réincarnations qui nous constituent sont des problèmes. Par contre, il y a de l'incarnation, on en a parlé un peu lors de la dernière conférence, il y a de l'incarnation qui provient des hautes sphères, des plans spirituels, et il y a de l'incarnation, donc une descente d'énergie, qui, elle, provient du monde éthérique. La descente d'énergie ne provient pas des sphères supramentales. La descente d'énergie ne provient pas non plus des sphères astrales. La descente d'énergie est un contact entre le monde de lumière, le plan éthérique, qui engendre un corps de lumière chez l'homme, et l'homme, donc la femme, donc l'enfant. Maintenant, pour que cela se fasse, il faut nécessairement que les mémoires réincarnationnelles qui proviennent des mondes émotifs, donc du monde de la mort, du ciel, du nirvana, de l'astral, il faut que ces mémoires soient cumulées dans le corps physique, dans certaines régions de la biologie de l'homme, de la femme et de l'enfant, pour permettre de libérer une partie cérébrale qui est en relation avec une glande, la glande pinéale entre autres, et avec une autre glande, la glande hypophyse, qui va permettre à l'être humain de développer une faculté sur lequel on va revenir un peu la semaine prochaine, qui est le troisième œil, qui permet... Le troisième œil, c'est quoi? C'est simplement le contrôle d'une façon plus consciente du canal ajusteur de pensée, qui permet à l'humain de déployer ce canal ajusteur de pensée dans le monde de la mort, ce qui, normalement, lorsque le troisième œil est ouvert, amène la clairvoyance et la clairaudience chez la personne qui travaille son troisième œil. Cela lui permet de voir l'aura et différentes choses du genre. Sauf que lorsque la glande hypophyse travaille le canal ajusteur de pensée, il y a un contact clairvoyant avec le monde de la mort. Et lorsque c'est la glande pinéale qui contrôle l'ajusteur de pensée, c'est un contact clairvoyant avec le monde supramental. Ce qui est totalement différent. Dans l'un des cas, on a de l'expérience astrale. Dans l'autre, on a du savoir supramental. On va y revenir un peu la semaine prochaine. Quand on a subi des réincarnations, bon, on en a tous subi, des réincarnations depuis des milliers d'années, et puis qu'on se rappelle aujourd'hui d'un personnage qu'on a déjà été partiellement. Est-ce que pour avoir cette information-là, à quel endroit on a été puisé cette information-là, quand c'est une connaissance, quand c'est un savoir? Vu qu'on est mélangé avec un... On devrait être mélangé théoriquement avec un paquet d'individus. C'est pas la même personne qui s'est réincarnée à 100%. D'ailleurs, l'être humain est totalement mélangé. Comment se fait-il qu'on sait, qu'on a conscience de ce phénomène-là? Quand on a la capacité de se rappeler ou d'avoir l'impression, la vibration, l'énergisation, le feeling, comme vous voudrez, qu'on a déjà été X, Y, Z, A, B, C, Jules César, Marie-Antoine, Lancelot, qui on voudra, c'est que présentement, on est en train d'incarner les mémoires émotives de ces personnages, donc nous devons les digérer. Mais la puissance de ce savoir, de cette vibration qui nous donne l'impression que nous avons déjà été celui-ci ou celle-là, c'est que nous incarnons, nous avons un contact énergétique, donc c'est une descente d'énergie, nous incarnons aussi les parties dobléthériques constituées par la conscience lucide qui a été immortalisée lorsque le corps de cet individu est mort. Donc, étant donné que nous avons accès à l'intégration de la conscience lucide éthérique de ce personnage, si on veut parler d'un personnage en particulier, en même temps, les mémoires émotives de ce personnage, ainsi que les mémoires émotives qui ont été engendrées par tous ceux qui ont connu le personnage et par tous ceux qui ont parlé du personnage par la suite, c'est de l'information astrale du personnage qui est de plus en plus faussée, cette information, ça colle donc à ce dobétérique et tente aussi de se réincarner. C'est-à-dire que, et c'est une problématique, donc une influence des vies antérieures, c'est que lorsque cette opération se fait, il y a un être contrôle évidemment qui dirige le processus, il y a incarnation de ce guide spirituel, enfin de cette spiritualisation proche de la conscience qu'on le retrouve dans le monde de la mort, qui a appartenu à cet individu. Il y a incarnation des phénomènes dobléthériques immortalisés, donc de la conscience lucide de l'individu, et il y a réincarnation de toute la mémoire émotive en même temps de l'individu, et ces facteurs, sauf la conscience lucide, vont tout faire pour recréer le personnage du passé. Si au moment où il est décédé, l'individu, il avait un karma noir à porter ou qu'il portait, est-ce qu'il le transmet? Est-ce qu'il nous le transmet voilà. à se réincarner? Premièrement, ce sont les parties qui sont les plus évoluées qui vont normalement s'incarner en relation avec l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain qui incarne de son vivant un phénomène plus conscient du monde de la mort et du monde éthérique est un être humain qui a suffisamment d'évolution, c'est-à-dire qui a une vibration évolutive, une vibration de conscience, une rapidité de perception plus haute que la normale, donc plus évoluée que le peuple en général. Lorsque cela se fait, les parties hautes évoluées vont commencer à descendre, mais comme je viens de le dire, c'est toute cette mécanique, donc la partie émotive, la partie lumineuse spirituelle ainsi que la partie éthérique immortalisée, la conscience lucide, vont, à part elle, vont tout faire pour recréer l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu auras l'impression d'avoir été telle ou telle personne. À un moment donné, tu auras l'impression d'avoir les mêmes habitudes que cette personne. À un moment donné, tu auras l'impression de vivre les mêmes gestes. À un moment donné, tu auras même peur de finir de la même façon. C'est-à-dire que les mécaniques qui se réincarnent veulent recréer le personnage. Donc, cela est une mécanique, une tentative de possession totale où on va essayer de muter, de digérer ou de rejeter ton ego, ainsi que la partie mentale de ta conscience, dans le but de se servir du corps physique pour recréer ce qui s'est déjà passé. De ce fait, tu risques de devoir supporter à la longue le karma noir de l'individu. Et si dans l'Antiquité, celui que tu réincarnes est mort dans un accident, est mort assassiné, est mort crucifié, est mort brûlé, ou etc., il y a des possibilités que tu termines ta vie de la même façon. Comment fais-tu pour éviter que ça se termine de la même façon? Tu dois comprendre la mécanique réincarnationnelle, tu dois savoir que ce qui s'incarne chez toi et ce qui se réincarne chez toi, c'est de l'information, c'est de l'énergie. Ce n'est pas parce que l'on mange du bœuf qu'on devra à un moment donné brouter de l'herbe dans un champ. Mais c'est exactement ce que le bœuf astral exige de toi lorsque tu le réincarnes, que tu le deviennes. Sauf que lorsque l'on mange du bœuf, le bœuf devient mon corps. Donc, le bœuf s'humanise, devient de l'homme. Lorsque je digère, le passé doit devenir du neuf, c'est-à-dire que je ne dois pas me servir de l'information bœuf, mais je dois me servir de la matière qui constituait l'information bœuf. Donc, je dois prendre l'énergie de ce qui s'incarne et de ce qui se réincarne dans le but de me former. C'est-à-dire, si je réincarne des mémoires qui proviennent d'aristocrates, je dois m'arranger pour enligner ces mémoires aristocratiques pour en profiter, pour moi-même devenir aristocrate. Sauf que nécessairement, les aristocrates du passé n'étaient pas aussi ajustés par une conscience mentale que tu peux l'être toi ou ce que le public ici peut l'être. Donc, nécessairement, nous allons mentalement repérer bien des défauts dans la mémoire qui s'incarne. Nous devons laisser libre cours à l'aristocratie positive et nous devons digérer l'aristocratie négative. Comment on fait donc pour ne pas vivre le même karma? On doit se rappeler que nous sommes nous, que l'homme doit être son seul maître et que vous êtes là bien avant la mécanique incarnationnelle et réincarnationnelle. Donc, même s'il y a de nouvelles habitudes qui s'instaurent, même s'il y a de nouvelles craintes, de nouvelles peurs qui lentement tendent à apparaître, on doit répéter mentalement, cela veut dire qu'on doit parler dans la tête, parce que répéter mentalement, c'est donc avec la parole, on doit se répéter qui nous sommes. Et veut pas, l'humain digère ce qui s'incarne et structure convenablement ce qu'il veut conserver, on peut en reparler, et ne vivra pas le karma de ce qui s'incarne, de ce qui se réincarne. Celui qui était la réincarnation, si par exemple sa manie était de jouer aux cartes, et puis quand soudainement on sent l'envie folle de commencer à jouer aux cartes, on mise ses payes, on perd son argent, on sait ce qu'on fait, on est que c'est un genre de possession de réincarnation, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, théoriquement. Non, dans son cas, lui, c'est pas plus facile à dire à faire, c'est que ça ne se dit même pas, tu le laisses aller jouer aux cartes. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus une possession. Il va devenir la chose. Oui. Par contre, l'individu qui se rend compte qu'il a le goût de jouer aux cartes, qui trouve ça stupide, qui a la capacité énergétique d'intelligencer l'obligation de ne pas jouer aux cartes pour ne pas perdre son argent, l'individu va accumuler l'expérience du joueur de cartes, il va accumuler l'expérience ancestrale du passé des perdants, possiblement, et il va lentement accumuler suffisamment d'énergie. Il ne jouera pas aux cartes, mais il sera de plus en plus un être capable de se lancer dans le neuf, donc de risquer ses acquis en fonction d'un objectif en accord avec son intelligence, donc plus intelligent, alors il deviendra un joueur supramental, c'est-à-dire qu'il aura la capacité de se dire, à un moment donné, tant qu'à vivre et à tout perdre quand on va mourir, eh bien, ça vaut la peine aussi de se risquer, donc de jouer sur la vie. Mais il va jouer sur la vie en fonction d'intelligence, c'est-à-dire que digérant les mémoires de joueur de cartes ou de joueur tout court, il apprendra à désassujettir son ego de la crainte cristallisée par l'incarnation, par la réincarnation des mémoires des ancêtres qui ne veulent pas que tu changes. Tu as ta maison, garde-la, même si c'est 300 000 piastres que tu as dans les murs au lieu que tu pourrais l'avoir en banque à la place en réhypothéquant ta maison ou en la vendant. L'individu considère sa sécurité et parce qu'il a maintenant digéré positivement les mécaniques du joueur de cartes, il aura maintenant la capacité de dire, eh bien, ma maison de 300 000, je la vends. J'ai 300 000 $ en banque, je m'en achète un autre de peut-être 250 ou 300 000 aussi, je mets 20 000, 30 000, 50 000 comptant, et je continue maintenant à la payer tous les mois, sauf qu'au lieu d'avoir 300 000 dans mes murs, j'ai 300 000 en banque, juste les intérêts de payer une partie de mon loyer, et je peux voyager, je suis libre. Et je n'ai plus la sécurité de la maison, je n'ai plus la sécurité du réussi sa vie, parce que je redeviens un peu instable. Mais je peux jouer de l'instabilité stable, de l'équilibre instable, qui permet à celui qui vit de neuf de pouvoir sauter d'une chaise à l'autre et de bifurquer quand c'est le temps. Alors, il a dû gérer positivement ses cartes. Fait que les réincarnations peuvent réellement influencer nos façons de voir la vie. Elles chose. Ne peuvent pas réellement influencer. Elles le font. Elles influencent réellement notre façon de vivre, notre façon de manger, notre façon de penser, notre façon de tout faire. Ça, c'est les réincarnations du passé, mais dans le texte ici, on parle de réincarnations du futur. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, c'est simple, il y en a une qui provient du passé, puis il y en a une qui provient du futur. Question idiote. Tu as d'autres questions? Oui, une autre question. Quel est l'avantage d'avoir de ou l'avantage ou l'inconvénient d'avoir des réincarnations du futur? Bon, on va parler un peu de la réincarnation, tant qu'à être dans les phénomènes réincarnationnels. Il y a la réincarnation du passé, que tout le monde connaît mal. Il y a la réincarnation du présent, que personne ne connaît. Et il y a la réincarnation de l'avenir, que personne ne connaît. Voilà. Bon, il y a ceux qui ont fait le séminaire connaissent un peu, là, mais en grosso modo, quand je parle de personne, on parle du contexte planétaire. C'est bon. Réincarnation du passé. Comment attirer des mécaniques réincarnationnelles du passé de façon à influencer positivement notre vie? On l'a déjà vu en conférence, on le voit souvent en séminaire ou en PMC+. C'est qu'on doit travailler notre onde de forme. Donc, si on s'habille comme un pauvre, on attire des mécaniques réincarnationnelles de pauvre parce que la mémoire du pauvre peut se sentir bien dans un corps physique de pauvre. Alors, nécessairement, on attire de l'expérience de pauvre, ce qui, bien souvent, nous permet de devenir un peu plus pauvre. Si on veut devenir un peu plus riche ou aristocrate, on veut devenir élitique, on doit travailler une onde de forme qui va être en fonction, une onde de forme qui fait référence à la parole, au langage, à la tenue biologique et à la tenue vestimentaire, nécessairement. Donc, l'être humain qui travaille cette onde de forme accumule des réincarnations positives de mémoire du passé qui sont en affinité avec ce que l'individu permet d'exprimer. Parce que le monde de la mort, ça veut posséder l'humain. Mais ça veut posséder l'humain en fonction de la possibilité de s'exprimer par l'humain. Alors, une personne qui n'a pas de bras, il n'y a aucune mémoire de pianiste qui s'incarne là-dedans. Les mémoires de pianistes recherchent des personnes qui ont ce qu'il faut pour jouer du piano. Des grands doigts et deux bras. C'est ça, des grands doigts pour pouvoir jouer trois octaves en même temps avec la même main, c'est ça. Bon. Les extraterrestres, il y a beaucoup de réincarnations d'Haïti qui sont des pianistes, hein? Oui, c'est... Bon. Sauf qu'il fait fondre des touches avec son doigt, mais ça... Il peut pas te t'avoir. Eh non, quelqu'un. Alors donc, on doit comprendre qu'en travaillant l'onde de forme, on attire, ça prend quelques années avant de voir une transformation évidente dans notre comportement et dans l'expérience que nous avons des choses vers lesquelles nous voulons nous diriger. Il y a des individus qui, lorsqu'ils s'achètent une automobile, se font toujours avoir. Ils décident à un moment donné d'acheter japonais. Alors, ils se disent là, parce que c'est ceux qui achètent japonais n'ont pas de problème. Sauf que dans leur japonaise qu'ils viennent d'acheter, le démarreur était bidon. Mais ça donne qu'en même temps, les freins bidons de toute la compagnie ont été mis sur la même automobile. Et ça donne aussi que le klaxon part tout seul, parce que le seul klaxon mauvais est sur la même automobile. Et finalement, il s'est encore fait savoir que c'est japonaise, parce qu'apparemment, tout ce qui était altéré dans la compagnie, les robots l'ont tout mis sur la même automobile. Alors, il s'est encore fait avoir. Il a l'expérience de celui qui se fait avoir. À un moment donné, l'individu, pour influencer sa vie à partir des mémoires du passé, décide de changer son onde de forme, c'est-à-dire qu'il joue, il acte, mais on n'acte jamais. Dans notre tête d'idiot et d'idiote, on a. Mais il acte qu'il a l'expérience de l'acheteur. Il acte la personne, le gars ou la fille, qui ne se fera pas avoir. Il va encore se faire avoir.